les Jackson 5 sur RGM. Presque 8h36, on est toujours dans la matinale et on fait un point sur tous ceux qui sont nés un 15 octobre. En 1953, c'était la naissance de Tito Jackson, chanteur américain des Jackson 5. 1959, naissance de Sarah Ferguson, princesse britannique qui de 1986 à 96 a été l'épouse du prince Andrew, le second fils de la reine Elisabeth II. À ce titre, elle est une ancienne altesse royale du Royaume-Uni. 1968, naissance de Didier Deschamps, ancien footballeur français devenu entraîneur, joueur de 1985 à 2001, en jouant à Nantes, Marseille, Bordeaux, à la Juventus de Turin, Chelsea et enfin Valence. Entraîneur depuis 2001, il a entraîné Monaco, la Juventus de Turin, l'Olympique de Marseille, sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012 et le troisième footballeur dans l'histoire à avoir gagné la Coupe du Monde comme joueur en 1998 et comme entraîneur en 2018. En palmarès avec l'OM, il a remporté la Ligue des Champions en 1993, il est champion de France en 90 et 92, vice-champion de France 93-94. Avec la Juventus, il a remporté de nouveau la Ligue des Champions en 96, il remporte également la Coupe Intercontinentale en 96 et la Super Coupe d'Europe en 96 également, finaliste de la Coupe de l'UEFA en 95, champion d'Italie en 95, 97 et 98. Il remporte la Coupe d'Italie en 95, la Super Coupe d'Italie en 95 et 97. Il a remporté ensuite la Coupe d'Angleterre en 2000 avec Chelsea. Lors de sa saison avec le club de Valence, il sera finaliste de la Ligue des Champions en 2001 pour la cinquième fois de sa carrière. Avec l'équipe de France en 103 sélections, il est le joueur qui a porté le plus souvent le brassard de capitaine, 54 fois avec l'équipe de France entre 89 et 2000. Il a remporté, comme je vous le disais, la Coupe du Monde en 98 et le Championnat d'Europe en 2000, on s'en souvient. 1977, naissance de Xavier Delarue, ancien basketteur français, candidat de télé-réalité. Il a participé à Secret Story 1 avec sa femme, devenu acteur depuis 2017, on peut le voir dans la série Les Mystères de l'Amour, tout d'abord dans le rôle d'Antoine Vallès, ensuite de Tony Vargas et maintenant de Bruno Vallès. 77, c'est également l'année de naissance de David Trezeguet, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1994 à 2014 en jouant au club Le Platens à Monaco, à la Juventus de Turin, au Hercules Alicante, au Banias SC, au River Plate, au Nolwaze Old Boys et enfin au FC Pune City. En palmarès, il est champion de France en 97 et 2000 avec Monaco, champion d'Italie en 2002 et 2003 avec la Juventus de Turin, vainqueur du trophée des champions en 97 avec Monaco, vainqueur de la Super Coupe d'Italie en 2003 avec la Juventus, champion d'Italie de Serie B en 2007 avec la Juventus de Turin toujours et avec l'équipe de France, champion du monde 98 et champion d'Europe 2000. 1983, naissance de Bruno Senna, pilote automobile brésilien, neveu du pilote Ayrton Senna. Il a évolué en Formule 1 comme son oncle et en Formule E. 1988, naissance de Mesut Özil, footballeur allemand professionnel depuis 2006 qui a joué au club de Schalke 04, au Werder de Brême, au Real Madrid et depuis 2013, il joue à Arsenal. 1995, naissance de Louis Duneton, acteur français connu pour son rôle de Valentin Nebout dans la série Plus belle la vie, vu également dans La Stagiaire ou encore Léo Mattei, Brigade des mineurs. 1999, naissance de Bailey Madison, actrice américaine, vue dans la série télé Once Upon a Time dans le rôle de Blanche-Neige, jeune, un soupçon de magie, personnage principal où elle interprète Grace Russell. À noter qu'en 1917, décédée Mata Hari, espionne néerlandaise. En 1934, décédée Raymond Poincaré, homme politique, avocat, journaliste français, président de la République française de 1913 à 1920. Et tout de suite, on va marquer une nouvelle pause avec Jérémy Frérot et son nouveau titre, L'Homme Nouveau. J'ai lancé des chevaux à l'assaut des grands jours, j'ai gonflé des ruisseaux, et jusque-là il court. J'ai entamé des brasses, des manèges à l'audace, j'ai filé des étoiles, et jusque-là elle trace. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. J'ai joué des secousses, soufflé des feux de brouge, j'ai planté des comètes. Et jusque-là, elles poussent, j'ai donné aux rivières le chemin de la mer, j'ai détourné le cou. Et jusque-là, j'espère, je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. L'homme est de trop, je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Je suis de l'eau. L'homme est de trop, je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Jérémy Frérot avec son titre L'Homme Nouveau sur le 107 FM. Il est pile 8h43 et on fait tout de suite un point sur la météo. La météo. Et pour aujourd'hui, ce sera des nuages avec de la pluie, des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 14 et 15 degrés pour cet après-midi. Mercredi, ce sera du soleil avec des nuages, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 15 et 16 degrés prévus pour mercredi après-midi. Jeudi sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin et entre 14 et 16 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le football, match de qualification à l'Euro hier soir, France-Turquie. Et malheureusement, il faudra attendre le mois de novembre pour la qualification, puisque les deux équipes se sont quittées sur un match nul d'un but partout. Le but français est signé Olivier Giroud, qui a débuté en tant que remplaçant. Il est rentré en cours de match et 4 minutes seulement après être rentré sur le terrain. Eh bien, il était placé au bon endroit suite à un corner d'Antoine Griezmann. Giroud a placé sa tête, comme à son habitude, et ça a fait but. Giroud qui prouve encore une fois qu'il a bel et bien sa place en équipe de France. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, un partout entre la France et la Turquie. Prochain match pour les Bleus, ce sera le 14 novembre avec la réception de la Moldavie et ensuite le 17 novembre un déplacement en Albanie. Hier, le Portugal jouait. Cristiano Ronaldo a inscrit son 700e but en carrière. Et à noter que Neymar s'est blessé encore une fois avec le Brésil. Il sera absent au minimum un mois. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Moscou. Hier, Adrian Manarino s'est qualifié en 2-7 face à Zumur, 7-6-6-0. Aujourd'hui, Herbert affrontera Cole Schreiber et Jérémy Chardy se reposait à Jarry. Côté féminin, Mladenovic affrontera aujourd'hui Putintseva. À Stockholm, il n'y a plus de Français en compétition avec l'élimination hier de Moutet en 2-7 face à Tipsarevic, 6-2-6-4. À Anvers, à noter l'élimination hier de Wang en 2-7 face à Kopil, 6-1-6-3. Tsonga s'est qualifié